La nuit, l'évaluation des vitesses est faussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le champ visuel est réduit. Oui, réponse C. Non, réponse D.